بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد شاف خير سور ان اسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته et bienvenue encore une fois à une autre séance de l'étude de la croyance de l'islam en nous basant sur l'aqidah de l'imam al-Tahawi رحمه الله تعالى et le sharh de l'imam ibn Abi al-Izz et toujours avec le premier chapitre qui est l'un des plus importants qui nous parle du concept de la foi. Quelle est la foi? Et on était dans la section dans laquelle on parlait de la variation dans la foi. On a expliqué que la foi, ça monte et ça descend. Un frère, juste avant d'avancer, Inch'Allah, m'a posé une question intéressante. Il a dit, pour ce qui est du ihsan, on avait expliqué qu'il y avait trois niveaux de la religion. On a le islam, après ça on a le iman, et après ça on a le ihsan. Est-ce que le ihsan, qui est un niveau surérogatoire, qui est optionnel, qui est supplémentaire, touche seulement aux actions, ça veut dire c'est seulement le fait de faire beaucoup de sadaqa, de beaucoup de jeûnes et ainsi de suite? Non. Ça touche encore une fois à toutes les composantes de la foi. Ça veut dire le ihsan, quelqu'un qui a le ihsan, sa crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas être comme la crainte de celui qui est dans le niveau de l'iman ou bien dans le niveau de l'islam. Voyez-vous, même les actions du cœur, elles sont différentes d'une personne à une autre. Par exemple, C'est quoi le niveau minimum de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit avoir pour être musulman, pour être auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour être sur la bonne religion? C'est quoi? Sur le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un niveau de crainte qui va nous protéger contre, qui va nous éloigner de al-kufr. Vous voyez? Un niveau de crainte qui va te dire au minimum que non, tout ce qui est kufr ne touche pas à ça. C'est pas, on n'est pas en train de dire que tu dois te contenter de ça. Non, c'est grave si quelqu'un est à un tel bas niveau. On est en train de dire que ça, c'est le niveau le plus bas. Mais après ça, pour arriver au niveau de l'iman, le niveau de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est requis, c'est quoi? C'est une crainte qui va faire en sorte que la personne va s'éloigner de tous les interdits et va faire ses obligations. Il y a quelqu'un qui a une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, voyez-vous, qui craint Allah, il ne va jamais toucher à un haram. Jamais, jamais, jamais. Il fait ses cinq prières. Il obéit à ses parents et ainsi de suite. Mais, lorsqu'il dort la nuit, il n'est pas inquiet. Il dort 10 heures de Isha jusqu'à Fajr. Il se réveille pour Fajr, il fait sa prière. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui est au niveau de Ihsan, sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est tellement forte, n'est-ce pas, qu'elle le réveille au milieu de la nuit pour qu'il fasse qiyamu al-layl. Vous comprenez? Donc même les actions à l'intérieur du cœur montent de islam à iman à ihsan et peuvent descendre aussi. Oui. Ok, question intéressante. Ici, il faut faire attention. Quand on parle, n'est-ce pas, de la personne qui fait les obligations et qui évite les interdits, on parle ici en somme, en général. Ce n'est pas du 100%, parce qu'il n'y a pas une personne qui, lors de sa vie en entier, elle a fait toutes les obligations et n'a jamais désobéi à Allah. C'est impossible, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'avec un... Hein, ça veut dire, on parle ici... On parle d'une référence théorique. Ça veut dire, en somme, en général, la personne doit s'éloigner des interdits et doit faire les obligations. Et quand il fait une erreur, il se reprend vite avec la taouba, n'est-ce pas, ou bien avec une bonne action, parce que comme on le sait, « innal hasanat yudhibna as-sayyi'at », les bonnes actions font partir les mauvaises actions. Mais il y a des mauvaises actions qui ne sont pas effacées par les simples bonnes actions, comme les péchés majeurs. Et c'est pour ça qu'un péché majeur, comme la fornication, automatiquement, ça fait tomber la personne du niveau de l'iman au niveau de l'islam. Alors qu'un autre péché mineur qui peut être loin de la fornication comme le regard ou autre chose, ça c'est un péché mineur. Si la personne le fait une fois à l'occasion, ça ne va pas nécessairement le faire tomber sur place du niveau de l'iman au niveau de l'islam. Voyez-vous, sauf s'il y a l'israr, sauf si la personne elle persiste, elle le fait en continuité, c'est parce que quand un péché mineur est fait en permanence, ça rejoint les péchés majeurs. Donc un péché mineur sur lequel la personne persiste et le fait en constance peut la faire tomber aussi du niveau de l'iman au niveau de l'islam. Non. OK, on va mentionner rapidement, inshallah ta'ala, parce que ce n'est pas un cours de tafsir, et surtout que c'est en arabe. Donc, les personnes ici qui ne comprennent pas l'arabe, peut-être ne vont pas remarquer la différence. Mais rapidement, en tout cas, vous allez avoir les références dans les notes, inshallah ta'ala. Il y a des versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous prouvent que le iman, que la foi n'est pas constante, que ce n'est pas un seul bloc, que ça monte et ça descend. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadathum » Iman, quand ils écoutent les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur iman, il augmente. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wa yazidu allahu alladhina ihtadaw huda » Ceux qui cherchent la guider, Allah subhanahu wa ta'ala va les accroître dans leur iman et dans leur guider. « Wa yazdad alladhina amanu » Imana, n'est-ce pas ceux qui ont l'iman, ils vont avoir encore plus de iman. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans l'autre verset. Alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'autre verset. Ya ayyuhalladhina amanu aminu. Il y a une fois une personne comme ça, n'est-ce pas l'un des juhal, des ignorants, des ce qu'on appelle les laïcs dans les pays arabes. Il a ouvert le Coran comme ça, il a lu ce verset, il a dit dans le Coran, il a la répétition. Pourquoi? Il a dit, c'est parce que regarde, il y a ce verset, ça dit « Ya ayyuhal ladina amanu, amanu ». Ça dit deux fois. N'est-ce pas « min jahlihi » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ya ayyuhal ladina amanu, aminu ». Ô vous qui avez la foi, ayez la foi. Ayez le iman. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Faites augmenter votre iman. Ya ayyuhal ladina amanu, tu as déjà le iman, tu es déjà un mu'min, mais fais augmenter ton iman de par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de par aussi la connaissance de la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Fa'amma alladhina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Allah subhanahu wa ta'ala dit que quand les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les croyants, ça les faisait augmenter dans leur iman. Rappelez-vous toujours, la connaissance, si la personne est sincère, la connaissance supplémentaire te fait augmenter ta foi. Imagine-toi avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui c'est la cinquième année après la révélation. Tu as un certain nombre de versets que tu connais du Coran Karim. L'année prochaine, tout au long de cette année, pendant 12 mois, il y aura beaucoup de versets qui seront révélés. Et de ce fait, parce que tu es un croyant, tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu viens de connaître plus de versets, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que les compagnons, ils aimaient toujours, ils attendaient toujours plus de révélations. Pourquoi? Parce que le iman va monter. Tu vas plus connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Tu comprends? Mais regardez, وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجُسًا إِلَى رِجُسِهِمْ. Ceux qui ont la maladie dans leur cœur, ça veut dire les hypocrites, qu'est-ce que ça a fait? Ça fait augmenter leur impureté à l'intérieur de leur cœur. Ça veut dire que c'est leur hypocrisie qui augmente. Pourquoi est-ce que l'hypocrisie, elle augmente selon vous? Mais pourquoi? Plus de versets et eux, ils augmentent plus dans leur hypocrisie. Oui. Plus de connaissances, ça veut dire plus de responsabilités. Voyez-vous, le plus que tu connais la religion et que tu ne l'appliques pas, le plus que tu es quelqu'un qui est responsable devant Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Voyez-vous, celui, un non-musulman qui est un arabe et qui parle l'arabe et qui vit avec les musulmans et qui entend le adhan à chaque jour, etc., et pire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'un non-musulman qui ne parle pas l'arabe, qui n'a jamais lu le Coran, qui n'a jamais vécu avec les musulmans et qui n'a jamais connu l'islam de près. Voyez-vous, c'est parce que le premier, Hujjatullah qa'imatun alayh, en détail, il connaît l'islam, il connaît la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en détail, il l'a devant lui. Le munafiq, l'hypocrite, il avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant lui, les versets étaient révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam devant lui, ainsi de suite, et malgré ça, il n'a pas cru. Il ne fait que s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Donc même le kufr, même la mécréance, elle monte et elle descend. Même la mécréance, elle monte et elle descend. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un hadith qu'on peut citer, c'est parce qu'il est très très lent. Mais moi, je vous suggère, si vous êtes intéressé, encore une fois, comme j'ai dit, la meilleure façon de tester vos connaissances, votre compréhension de ce chapitre de la foi, c'est quoi? Qui peut nous répéter? D'aller lire Sahih Muslim, le chapitre de la foi. Kitab al-Iman dans Sahih Muslim. Allez lire les hadiths, c'est seulement des hadiths. Et essayez de les comprendre, de les interpréter selon les règles. Ah, le Iman dans ce hadith réfère à telle chose. Ah, le Iman réfère. Vers la fin de Sahih Muslim, vous allez avoir les hadiths de Al-Shafa'a. Ça veut dire les hadiths qui nous parlent le jour dernier, n'est-ce pas? L'intercession que Allah subhanahu wa ta'ala va faire pour les croyants. Il y a des croyants qui vont être en enfer, des musulmans, des gens de l'islam, qui vont être en enfer à cause de certains péchés, mais que Allah subhanahu wa ta'ala va les faire sortir de l'enfer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il y a des personnes qui vont avoir une graine de iman à l'intérieur de leur cœur et qui vont sortir de l'enfer pour entrer au paradis à cause de cette petite graine de iman qui est restée encore à l'intérieur de leur cœur. Donc le iman dans les cœurs des gens n'est pas de même. Il y a quelqu'un qui a une graine de iman, n'est-ce pas, dans son cœur, et il y a, comme dans les narrations nous le disent, quand on a demandé à certains des tabi'in, est-ce que les compagnons, ils riaient, kanu yadhakoun? Il a dit oui, kanu yadhakoun, wal imanu fi qulubihim mithla al jibal. Ils riaient, mais la foi dans leur cœur était comme des montagnes. Donc tu ne peux pas comparer quelqu'un qui a la foi dans son cœur comme une montagne, comme quelqu'un qui a la foi qui est égale à une graine de sel à l'intérieur de son cœur, c'est deux mondes qui sont différents, bien que les deux, en fin de compte, ils vont être sauvés à un certain moment donné, ils vont entrer au paradis. C'est l'un des tabi'in, je ne me rappelle pas c'était qui exactement, mais c'est l'un des tabi'in. Non. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, il a dit min fiqhi al-abdi, il a dit ça fait partie de la bonne compréhension de la religion de la personne, an yata'ahada imanahu wa ma naqsa minhu wa min fiqhi al-abdi an ya'lama ayazdadu huwa am yantaqis. Il a dit l'intelligent, celui qui comprend bien sa religion, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend en continu, il prend soin de son iman. Il regarde c'est quoi la météo de son iman. Ah, mon iman cette semaine, ça monte. Ah, mon iman cette semaine, ça descend un peu. Je dois faire quelque chose pour me rattraper. Comme le frère tout à l'heure, il m'a posé la question, n'est-ce pas? La question de la variation dans le iman. Il faut comprendre que c'est une courbe, n'est-ce pas, qui est infinie jusqu'à notre mort. Ça veut dire le iman, il n'y a pas quelqu'un qui a son iman qui est constant, comme ça au plus haut. Il n'y a pas quelqu'un qui a son iman qui est comme ça. Du jour où il est né, ça ne cesse d'augmenter que jusqu'à sa mort, n'est-ce pas? Pour les personnes normales qui ne sont pas des prophètes et des messagers, le iman, ça monte et ça descend. Ça monte et ça descend. Mais al-ibra, ce qui importe, c'est quoi? C'est la tendance générale. Si on pouvait prendre la courbe de l'iman de l'année comme ça, quelqu'un va voir une ligne comme ça pour représenter la tendance générale. Là, il va dire, ah, alhamdoulilah, moi, mon iman, ça monte en général. Les petites, aujourd'hui, ça fait une rechute, ça remonte, ça fait une rechute, c'est autre chose. Ce n'est pas quelque chose qui est si grave que ça, c'est naturel, c'est l'être humain, n'est-ce pas? Une autre chose que le frère m'a rappelé, c'est que, subhanallah, quand quelqu'un commet un péché, qu'est-ce qui va arriver dans son iman? Il baisse. L'une des façons pour nous de préserver notre iman, c'est quoi? C'est que lors de notre vie, il y a toujours des périodes d'ouverture du cœur. Qui peut nous citer un exemple? Ramadan, le Hajj. Ça veut dire qu'il y a toujours des périodes lors duquel ton cœur il est ouvert à faire des bonnes actions, n'est-ce pas? Une astuce ici, c'est quoi? C'est que lors de ces périodes-là, on doit faire de notre mieux pour faire le plus de bonnes actions. Pourquoi? Qu'est-ce qui va arriver? Là, ça va monter haut. Donc celui qui, lors du Ramadan, il travaille ardemment de sorte à monter jusqu'au niveau de l'ihsan, qu'est-ce qui se passe après? Même s'il commet un péché après le Ramadan, peut-être que ce péché-là va le faire tomber de ihsan au iman. Mais si quelqu'un était initialement au iman et qu'il vient de commettre au péché, il va tomber au islam. Voyez-vous? Donc, c'est une courbe. Ça monte et ça descend. Et ça monte et ça descend et ainsi de suite. On va passer à la prochaine section, Inch'Allah, qui va être une courte section, bi'idnillahi azza wa jalla, qui va être simple, maintenant qu'on a compris tout ce qui était avant ça. C'est la section qui nous parle de ce qu'on appelle l'exception dans la foi. C'est quoi l'exception dans la foi? C'est une traduction de ce qu'on appelle en arabe « al-istithna'u fil-iman ». Le mot « istithna' » qui semble tellement complexe, que vous allez vous dire, on n'a jamais entendu parler de ça auparavant, c'est aussi simple que le fait de dire « Inch'Allah ». Al-istithna, c'est le fait de dire Inch'Allah. Ça veut dire ici, on parle de la question de l'istithna dans la foi. Ça veut dire, en termes simples, est-ce qu'on peut dire Ana mu'minun? Est-ce que je peux dire moi, je suis un mu'min? Ça veut dire, je suis des gens de l'iman. Ou non? Il y a des ulama qui ont dit non. Je dois dire Ana mu'minun Inch'Allah. Ça veut dire, l'exception dans la foi est obligatoire. Je ne peux pas prétendre la foi sans faire l'exception. Pourquoi? C'est parce que je ne sais pas. Peut-être que je ne suis pas mu'min, je suis seulement musulman. Est-ce que quelqu'un, attention, ça ne s'applique pas à l'islam, n'est-ce pas? Quelqu'un ne va pas dire, je pense que je suis musulman, Inch'Allah. Est-ce que tu es musulman ou non? Je pense, Inch'Allah. Non, parce que l'islam, comme on a dit, l'islam c'est l'engagement. L'engagement premier, là tu peux le savoir. C'est aussi simple que de dire, est-ce que je m'engage dans le chemin d'Allah ou bien je ne m'engage pas. Muslimun ou kafir. Mais après ça, tu ne peux pas prétendre que tu es mu'min selon certains ulama. Prenons ça de façon qui est plus, Inch'Allah ta'ala, organisée. Il y a trois opinions des ulama. Première opinion, il y a les ulama qui disent que c'est obligatoire de faire l'istithna fil l'iman. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de dire je suis mu'min, tu dois toujours dire je suis mu'min, Inch'Allah. Que moi je suis un mu'min, Inch'Allah. Pourquoi? Quel est leur argument? Leur argument c'est أن الإيمان المطلق يقتضي فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار وهذا من تزكية الإنسان لنفسه وهذه الشهادة صحيحة ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici les savants? Pourquoi est-ce que certains savants ils ont dit que c'est obligatoire de dire Inch'Allah? Ils disent c'est parce que le fait de dire je suis un mu'min c'est égal à dire moi j'ai fait toutes mes obligations et je m'éloigne de tous les interdits. Ça veut dire que cette personne est en train de dire que si moi je vais mourir maintenant, je vais aller au paradis, c'est certain. Voyez-vous? Et ça, c'est une forme de... C'est pas de l'ostentation, parce que même si tu le dis entre toi et toi-même, tu vois, c'est une forme de at-ta'alli 'ala Allah. Ça veut dire de jouer le rôle de juge. C'est comme si toi, tu fais ton propre jugement. N'est-ce pas, t'es qui? Tu ne sais pas, peut-être qu'Allah n'est pas satisfait de toi. La sœur, elle a posé tout à l'heure la question. Peut-être qu'Allah n'a pas accepté tes bonnes actions, certains de tes bonnes actions. Peut-être que tu as fait des péchés que toi, tu ne penses même pas que c'est des péchés, alors qu'auprès d'Allah, c'est des interdits et ainsi de suite. Ça veut dire, ils te disent, puisque tu ne peux pas dire que moi, si je meurs maintenant, je vais aller au paradis, ne t'aventure pas à prétendre que toi, tu es un mu'min. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Karim clairement فَلَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى. Ne prétendez pas que vous êtes pur, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait c'est qui est qui a التقوى à l'intérieur de son cœur. Vous comprenez? Donc encore une fois, quelle est la première opinion sur cette question là est-ce qu'on peut dire Inch'Allah ou on ne peut pas le dire? Quelle est cette première opinion? On doit le dire. Tu ne peux pas dire « Ana mu'min » et tu t'arrêtes. Selon des savants, des pieux ancêtres de As-Salaf, radiyallahu ta'ala anhum, ils te disent « Tu dois dire « Ana mu'minun insha'Allah ». Tu ne peux pas dire seulement « Ana mu'minun ». Attention ici, petit piège. Il y a une secte qui s'appelle « Al-Kullabiyya ». Non, c'est relatif à un homme qui s'appelle « Ibn Kullab ». Ça n'a rien à voir avec les chiens. Il ne faut pas mélanger. Qu'est-ce qu'ils disent, Al-Kullabi? Ils disent que c'est obligatoire de dire Inch'Allah. Mais ils ne suivent pas le même raisonnement sain que les salafs, ils ont. eux, ils se basent sur un autre argument qui est complètement faussé pour arriver à cette conclusion. Qu'est-ce qu'ils te disent ? أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه باعتبار الموافاة. Eux, ils ont inventé une innovation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'appelle quoi ? Qui s'appelle الموافاة. الموافاة, ça veut dire quoi ? Ça veut dire toi et moi, notre statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on est mu'min ou kafir ? Le vrai statut, le seul auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi ? C'est notre dernier état. Quand on va mourir, est-ce qu'on va mourir en tant que mu'min ou bien en tant que kafir, en tant que croyant ou bien en tant que mécréant? Ça veut dire si on a la personne X, aujourd'hui c'est un mécréant, c'est un polythéiste. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait à l'avance que dans 10 ans, il va se convertir à l'islam et mourir en tant que croyant. Ces personnes-là nous ont inventé une bid'a qui s'appelle mu'afat, qui nous dit que auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne-là aujourd'hui qui est polythéiste, qui est criminel, qui est toute chose, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est nommé un croyant, un mu'min. Voyez-vous ? Et ils te disent que le contraire est vrai, que celui qui est pieux aujourd'hui, ainsi de suite, si Allah subhanahu wa ta'ala, il sait, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que dans 15 ans, il va mourir sur la mécréance, même aujourd'hui, quand il fait ses salats et quand il fait ses prières et ainsi de suite, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a le titre de kafir. Et ça, est-ce que c'est vrai ? Non, c'est faux. N'est-ce pas ? C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il sait à l'avance, innama al-ibratu bil khawatim, ce qui compte, c'est la fin, mais ton statut actuel, c'est ton statut actuel. Celui qui est actuellement mu'min, il est mu'min. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le frère tout à l'heure nous a rappelé le hadith, qu'est-ce qu'il a dit ? Yumsi ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. L'un des signes de la fin des temps, c'est que quelqu'un, la nuit, il est mu'min, le jour et le matin, il va être kafir, ça veut dire qu'il quitte sa religion. Ça veut dire, initialement, est-ce qu'il était mu'min ? Oui, il était mu'min. Même si après ça, il est mort sur le kufr, wa l'iyadu billahi subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils te disent que tu n'as pas le droit de dire « ana mu'min ». Tu dois dire quoi ? Ana mu'minun insha'Allah, à cause du fait que tu ne sais pas, peut-être auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu vas mourir en tant que kafir wa iyadu billah, dès maintenant tu es considéré comme un kafir. Et de cette bid'a-là, d'autres les ont étalés, et ça c'est arrivé al-ghulu en quelque sorte, jusqu'à arriver au fait de dire par exemple, regardez les exemples qui nous mentionnent ici, sallaytu insha'Allah. Tu veux dire, est-ce que tu as fait ta prière ? J'ai fait ma prière insha'Allah. Ça veut dire, j'ai fait ma prière si Allah subhanahu wa ta'ala a accepté. Il va dire quoi ? فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ هَذَا ثَوْبٌ إِنْشَاءَ اللَّهِ هَذَا حَبْلٌ إِنْشَاءَ اللَّهِ Il va dire, est-ce que ça c'est des vêtements ? Il va te dire, oui, insha'Allah c'est des vêtements. Est-ce que ça c'est une table ? Oui, insha'Allah c'est une table. Pourquoi ? Il va te dire, parce que si Allah subhanahu wa ta'ala veut la transformer en quelque chose qui ne sera plus une table, ça ne sera plus une table. Et si ça va arriver, dans les indes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce ne sera plus une table. Donc maintenant, ce n'est plus considéré comme étant une table. Hein? C'est al-ghulu, c'est l'exagération, etc. C'est comme on a dit, n'est-ce pas, une bid'a qui attire une autre, n'est-ce pas, de al-muwafat et de la personne et de l'kufr al-iman, on est arrivé à même la table et les vêtements et tout va devenir insha'Allah, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, exactement. C'est quoi ton nom? Mon nom, c'est Muhammad insha'Allah. Est-ce que ça, c'est ton père ? Oui, Inch'Allah, c'est mon père. Taïm. Troisième opinion. Hein ? Comme quoi ? Qu'on dit Inch'Allah, c'est avec le Père. Avec, j'ai pas compris. Avec le Père, que vous avez dit. Ok, le Père, oui. Ça se peut que tu dis Inch'Allah, ça veut dire que c'est pas ton Père. Non. A'oudou billah. Non. Ces choses-là, tu prends Abdahir. On se contente de Abdahir. Quelqu'un va dire, est-ce que c'est ton Père ? Oui, c'est mon Père. C'est aussi simple que ça. Tu n'ouvres pas la porte à autre chose. الناس مؤتمنون على أنسابهم. Comme l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il disait que question de ansab, comment dire ça, la descendance, c'est quelque chose, à la base, on fait confiance aux gens. Quand quelqu'un te dit ça, c'est mon fils, khala, c'est ton fils. Jusqu'à la preuve du contraire. Même si c'est un mécréant, il le dit, on va le prendre comme étant quelque chose qui est garanti. Taïb, la deuxième opinion, c'est les savants qui ont interdit le istitna. Ils ont dit non, non, tu n'as pas le droit de dire ana mu'minun, inshallah. Pourquoi? C'est parce qu'ils disent que ça impliquerait que tu doutes sur ta foi. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'accepte pas le doute dans la foi. Alors il te dit, puisque c'est une question de foi, sois direct. Tu dis ana mu'min. Tu ne dis pas ana mu'minun, inshallah. La troisième opinion, qui est la bonne, inshallah, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, c'est que il faut prendre une position qui est nuancée. Tafsil. Qu'est-ce qu'on veut dire par ana mu'minun? Si on veut dire par ana mu'minun, ça veut dire je suis au niveau de l'iman, j'ai complété le iman, là on doit dire inshallah. Parce que prétendre que j'ai complété mon iman, je ne sais pas. Peut-être qu'en réalité ce n'est pas vraiment le cas. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté mes bonnes actions. Mais si je dis ana mu'minun, dans le sens où moi je crois en la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire j'ai le iman, les fondements, les racines du iman, là on a le droit de dire que ana mu'minun sans dire inshallah. Et même si quelqu'un te dit est-ce que tu crois en Allah, est-ce que tu vas lui dire je crois en Allah inshallah? Non, tu vas dire oui, je crois en Allah. C'est parce que ça c'est idafi, n'est-ce pas? Tu as fait une idafa. Je crois en Allah. Je crois au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu crois en le Coran? Oui, je crois en le Coran. Tu vas pas dire je crois en le Coran inshallah. Je crois au prophète sallallahu alayhi wa sallam inshallah. Décide-toi, choisis c'est quoi tes croyances. C'est clair? Non. Tu avais une question? Qu'est-ce que je veux dire? Admettons, je dis à mon ami, je m'en vais faire la prière, Inch'Allah, demain. Ok. Si tu dis pas Inch'Allah, tu es concerné comme un kafir? Non, pourquoi tu serais considéré comme un kafir? Pourquoi? Moi, je te dis pourquoi. Applique les règles qu'on a vues. Pourquoi est-ce que tu serais considéré comme un kafir? Qu'est-ce qui fait, je vous repose la même question, qu'est-ce qui causerait la personne de devenir un kafir après qu'il ait été un musulman? Nawaqid, c'est les annulateurs de l'islam. Sans les détailler, quels sont ces annulateurs? Ils reviennent à quoi? C'est ce qui détruit soit la croyance, la soumission ou bien l'amour ou bien les trois ensemble. Toutes les nawaqid de l'islam reviennent à l'une de ces choses-là. Voyez-vous? Ça veut dire soit que quelqu'un est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, mais est soumis à quelqu'un d'autre, une pierre, un animal, n'importe quelle chose. Et ça, khalas, ça détruit. Parce que la soumission qu'Allah accepte, c'est une soumission monothéiste. Khalas, il n'y a pas de soumission. Cette soumission-là, elle n'existe pas dans ton cœur. Tu sors de l'islam, voyez-vous? Et ainsi de suite. Mais dire Inch'Allah ou bien ne pas dire Inch'Allah, ce n'est pas quelque chose qui fait sortir la personne de l'islam vers le kufr. D'autres questions? Oui. La définition de la foi en arabe. Qui pourrait répondre, frère? Ça veut dire l'iman. Quelle est la définition de l'iman? Qui peut répondre, frère? Allez, révision. Hein? Donc là, on va dire première chose, on va dire, quelle définition cherches-tu? Est-ce que tu cherches la définition linguistique ou bien tu cherches la définition islamique? Légale, religieuse, n'est-ce pas? Dans la définition linguistique, sans entrer dans les détails, il y a beaucoup de ulama qui disent que le iman dans la langue arabe veut dire at-tasdiq, veut dire l'approbation par la croyance ou même parfois par les actions, n'est-ce pas? Mais dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la définition religieuse de l'iman, à travers tous les versets qu'on a mentionnés et tous les hadiths, et il y en a beaucoup plus, comme j'ai dit, vous pouvez revenir par exemple à Sahih Muslim, chapitre de l'iman, vous allez retrouver plein de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le iman, qui nous démontre que le iman, ce n'est pas la simple croyance. Donc là, le Coran, ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ont défini c'est quoi l'iman dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous croyez? Vous comprenez? Le iman, pour les gens qui vivaient lors du temps de Isa alayhi salam, c'était quoi? De croire de croire et de telle et de telle et de telle et de telle chose, mais leur iman, leur définition de l'iman, ne contenait pas de croire en un homme qui s'appelle Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam et de devoir le suivre et ainsi de suite. Voyez-vous? Pour nous, notre définition de l'iman dans notre sharia, dans notre message que nous, nous avons reçu à travers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est que notre iman inclut de devoir croire en Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam et devoir le suivre. Donc la définition peut changer. Ah non, non, ça on parlait plus de aslul iman, ça c'était l'essence, les racines de l'iman, n'est-ce pas? C'est quoi? Tasdiq, ou bien l'i'tiqad, on appelle ça tasdiq ou bien l'i'tiqad, ça veut dire la croyance. Et après ça, ghayatul hubbi, l'amour, avec ghayatul adhulli wal khudu'a, c'est ce qu'on appelle la soumission. Hubbun wa khudu'a. Et c'est ça les deux fondements de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'amour et la soumission. L'amour et la soumission. Quand quelqu'un, il aime seulement, il n'est pas soumis, on n'appelle pas ça une adoration. Un parent peut, ça veut dire le père ou la mère, peut intensément aimer son fils. Est-ce qu'il est soumis à son fils? Pas pour autant. Donc ici, ce n'est pas de l'adoration, n'est-ce pas? Quelqu'un peut être soumis à une autorité. Un prisonnier est soumis à l'autorité de sa prison. Est-ce qu'il aime cette autorité? Est-ce qu'il a du plaisir comme ça, être emprisonné, devoir suivre des règles et ainsi de suite? Non. L'élève à l'école, la même chose. Il est soumis aux règles de l'enseignante au primaire. Il va lui dire, maintenant c'est la pause, vous sortez, vous rentrez, il est soumis. Est-ce qu'il aime? Non, il aimerait sortir et aller jouer. Donc ce n'est pas de l'adoration. Mais dès que tu ouvres la porte à l'amour absolu, avec la soumission absolue, ça devient de l'adoration. Soit l'adoration du tawhid pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien du shirk pour une autre divinité. Il y avait une question? Qu'est-ce qui joue sur la certitude? C'est la connaissance. C'est la connaissance, le ilm, et c'est aussi quoi? La sincérité de la personne, à vouloir chercher la vérité, à vouloir chercher la vérité. C'est parce que quelqu'un, comme on l'a mentionné, quelqu'un pourrait avoir de la connaissance. Il pourrait avoir accès de la connaissance, mais il ne veut pas voir la vérité. Voyez-vous, il veut suivre ses passions. Quelqu'un, il te dit, je suis musulman, mais je bois l'alcool. Et pour se justifier, il dit que l'alcool, ce n'est pas interdit en islam. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est les, n'est-ce pas, les extrémistes qui te disent que l'alcool, c'est interdit en islam. Là, tu vas vouloir le convaincre et tu lui mentionnes des versets, etc. Lui, à l'avance, il veut suivre ses passions. Il veut boire de l'alcool sans se sentir coupable. Donc, il s'est déjà préprogrammé dans sa tête à ce que tout argument que toi, tu vas lui donner, même s'il est convaincant et ainsi de suite, il va le mettre aux ordures. N'est-ce pas? Il a mis ici la corbeille, comme dans Windows, à les ordinateurs. Il a déjà préprogrammé que tout argument que toi tu donnes qui lui prouve que l'alcool est interdit, il le prend et le jette. Il le prend et le jette, il le prend et le jette. Ça c'est insan, yattabi'u hawa. C'est par lui-même qui a décidé de mettre un voile, de fermer pour suivre ses passions. Il ne cherche pas la vérité. Donc là, il n'aura pas le yaqin. C'est aussi simple que ça. Non. طيب on va s'arrêter inshallah ta'ala à ce niveau. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.